dit qu'il faut toujours être actif. On devrait toujours être actif. Mais si on vit dans la mémoire, comment? C'est fini la mémoire. Et là, ça sert à d'autres fonctions dans le cosmos. Elle ne devrait pas troubler notre esprit. Elle trouble constamment notre esprit, c'est comme une petite mémoire. Mais ça veut dire que chaque expérience que tu fais, il faut que tu la maîtrises. Chaque expérience que tu fais, plus tu avances dans conscience, plus tu la maîtrises. Éventuellement, tu maîtrises tout. Donc là, là, à ce moment-là, si tu veux construire, tu sais pas construire, tu construis tout. Ça se fait tout seul. Moi, je pensais que maintenant, c'est quand tu t'es lancé dans une expérience que tu disais que tu as déjà rendu au bout pour la maîtriser. Tu en arrives à la maîtriser au fur et à mesure que tu avances dans ta propre conscience. Plus tu es conscient, plus tu maîtrises tout. Parce qu'à un moment donné, mettons, tu fais une expérience, puis tu crois en marche, puis on est aperçu que tu perds ton temps là. Change d'expérience. Tu dis que là, c'est fini, c'est bien, tu es fini, puis tu vas faire d'autres choses. On pense que le temps a changé. Tu changes très, très souvent, puis jusqu'à un moment, tu changes. C'est fixe. Mais quand c'est fixé par le supramental, votre vie est autre. Comme vous pouvez avoir des expériences des 10-15 prochaines années, il va venir un jour où vous allez avoir une direction. Mais là, c'est parce que vous allez dans le supramental. Fait que vos expériences de votre vie servent simplement à changer les vibrations de vos corps, à l'intérieur de la compréhension que vous avez de votre propre mécanisme intérieur. Plus vous rentrez à la supramental, plus vous vivez dans le présent de votre expérience, au lieu de vivre dans le passé de l'expérience. Regardez des gens qui. Il y a un gars qui sort que Philippe, qui a le test. Son expérience, elle est vécue où? Sa souffrance, elle est vécue dans le passé comme expérience. Quand vous avez fini là, parmi nous autres, on a eu des peines d'amour. Vos peines d'amour, elles sont toutes, elles ne sont pas affichées, elles sont toutes dans le passé. Vous avez eu des peines d'amour? Tu n'étais content, là. La fille, elle veut sa coche, t'avances en chaîne. Non, vous autres, vous êtes trottinés à le passer. Ça, ça prend 2-3 mois. Vous avez un choc, tombant en dépression. Faites de l'overtime. Puis après ça, il y en a un autre que vous rencontrez. Là. Aussitôt que vous vous rencontrez l'autre, là, vous oubliez l'autre. Là, parce que là, vous êtes rempli de l'autre. Là, vous êtes présent d'expérience. Là, vous commencez. Même tout, mais là, c'est temps. Elle, son caractère, c'est temps d'amour, puis ça, il faudrait que son mari allait. Tu penses qu'elle ne vivrait pas dans le passé? Elle retournerait dans le passé des années-lumière, avec cette sensibilité. Alors, je suis prêt. Heureusement qu'elle est beau, même. Ça, c'est une des expériences les plus difficiles à l'homme, l'expérience de l'amour. Parce que les hommes ont besoin d'amour. Quand je dis les hommes, je parle des hommes, des femmes. Il y a une vie sans amour, c'est ce qui rêve. C'est comme vivre dans le désert. C'est pas du monde. Ce qui est plus drôle, c'est que la vie d'amour des gens, c'est quasiment une jeune. Comment toi vous fâchez contre votre femme ou votre mari ou votre blonde, surtout au niveau de la blonde, ça se fait. Vous fâchez contre votre blonde, vous essayez de la faire fâcher, hein, pour l'aimer plus. Hein? L'amour humain. Ou tu laisses ici que tu as vu ton ancienne hier. Elle ferait tes clés. Tu peux mais plus. Elle va faire des petites larmes. L'amour. Tu veux plus l'amour, non? Les gens vivent de ça. Mais tu connais bien comme il. On ne réalise pas. On pense qu'on n'est pas comme il pendant. Il y en a qui sont chanceux, comme les autres, ces deux-là, c'est pas clair, ces deux-là. L'amour ou l'autre. Ils vont toujours s'aimer, ces deux-là. Ça, ça peut battre le permis, ça dépend des permis. C'est pas du bon sœur. Comment elle s'est élevée, je ne sais pas quoi. Il n'y a pas de révolution, il avance en temps. Puis il dit, dans l'expérience de l'amour, que les gens qui sont dans l'amour, puis que ça brille, c'est pour les amener à une autre expérience. Mais le choc, il ne comprend pas le choc, pas tout ça. Avant, ça va pareil. Il était obligé de vivre avec ta femme jusqu'à 90 ans. Mais c'est vrai que les lois ont été changées, les lois des vies ont été changées. Pas les lois des vies, mais les lois de la société, les lois psychologiques. Je veux que c'est un free for all. À tous les printemps, il y a une vente. Si les gens en prennent avantage, qui c'est qui en souffre? C'est les enfants qui en souffrent. Mais on dit que, mettons, si tu es marié avec quelqu'un, on dit que c'était dans ton plan de vie que tu te marais avec. Donc, ce ne sera pas dans ton plan de vie qu'à un moment donné, tu divorces. Tout le temps. Que tu te marais avec elle, que tu divorces, ça fait toujours partie de ton plan de vie. Seulement que dans ton plan de vie, il y a toujours les conditions qui sont toujours là. C'est toujours lié à ta maturité. Les gens se divorcent parce qu'ils manquent de maturité. Si les gens étaient unis par eux autres en haut, les gens se divorceraient avant. Puis s'il n'y en a pas même pas besoin de se marier, ils seraient unis par eux autres dans l'esprit. Il y en a qui sont chanceux. Ils ont été amenés ensemble avec des plans de vie qui concordent. Je donne ces deux-là comme exemple. Il y en a d'autres qui n'ont pas cette chance-là. Il y a des gens qui aimeraient ça, faire une vie avec un homme, puis comme du monde, elle, c'est qui est chelou, c'est un gars. Une vie. Puis les hommes aussi. Il n'y a pas un homme qui ne veut pas avoir une femme comme du monde, puis une femme qui ne veut pas avoir un homme comme du monde. C'est rendu aujourd'hui, c'est quasiment impossible. C'est tough, oui. Surtout pour les jeunes, comme les jeunes, je sais pas, ben, c'est pas facile. C'est le temps qu'il veut ça comme ça, probablement. Ça fait partie de ta fin du cycle. C'est toi qui fais une cassette, t'es mieux de vivre seul heureux que de malheureux à lui. Ouais. Alors, vous aimez ça, là? Oui. Bon. Si les gens sont inconscients et qu'ils sont à deux, à ce moment-là, souvent, ils se font souffrir les premiers. C'est toi qui as conscience, c'est le temps que ça descend, ça pas temps. Il dit qu'il y a beaucoup de souffrance. Beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de souffrance. On est obligé de souffrir. Il dit que c'est pas qu'on est obligé. Il dit que c'est le fait que. Vous parlez au niveau de la souffrance des masses, là, au niveau de la souffrance de ce moment-là. En fait, la souffrance, il dit non. Il dit qu'on souffre parce que les conditions de vie sont trop irréelles. Autrement dit, on n'est pas conscient. C'est ça qu'on souffre. Sans ça, on ne souffrira pas. C'est pour ça qu'il nous enseigne la destruction des formes, France. En arrivant à sortir de ces illusions-là, qu'on en souffre. Là, t'es bien. Mais on ne veut pas trop l'admettre. Ça fait partie du karma, ça, je pense. Ça fait partie du karma, oui. Ça fait partie du karma, mais faut que tu brûles ce karma-là. Faut que tu sortes des lois de la mémoire un jour. Le karma, c'est lié à quoi? C'est lié à la mémoire. Comme demain, on souffre quand on ne comprend pas. Quand on commence à comprendre, on souffre. C'est ça, exactement. C'est ça. Non. Quand tu commences à comprendre, tu commences à te couper de la mémoire. C'est là que tu brûles ton karma. Les gens ne sont pas obligés de souffrir. Les gens souffrent parce que les gens sont. Les gens vivent de leur mémoire. Puis leur mémoire leur donne les raisons d'agir de telle façon, telle façon, telle façon, telle façon, telle façon. C'est terrible la mémoire. Humaine, c'est ça. La mémoire, c'est terrible. On n'a pas d'école. Si on avait des écoles pour enseigner à l'homme comment vivre la vie, des écoles. On s'arrête de la théorie. C'est ça pour l'expérimenter. Pour l'expérimenter. Dans les gens qui sont ensemble, les gens sont plus malheureux que heureux. Les gens sont quoi? Malheureux que heureux. Les gens sont plus malheureux que heureux dans l'ensemble. Oui. Mais il y a des gens qui vivent leur vie, ils sont pas mal. Ils sont pas trop malheureux. Non, ils sont pas trop mal. Quand ça va bien, ça va bien. Comment est-ce qu'elle s'appelle? comment s'il appelle la blonde? C'est pas de ses parents. Jenny. Elle parle de son père et sa mère? Ouais. Un gros choc. Elle va passer à travers. Heureusement qu'on s'est rencontrés avant. C'est ça, aide. Une fois quand tu perds ton père et ta mère dans la même semaine, t'es pris d'informe et dans la mémoire. Tu pleurais. C'est dur comme expérience. Cette expérience-là est bonne pour elle. Ça va l'amener au mental. Parce qu'il dit que dans la vie, qu'il y a de la souffrance dans la vie, le point n'est pas là. Le point est que nous autres, on puisse passer à travers des femmes qui la causent, cette souffrance-là. À ce moment-là, tu ne plus. Comment il y a des gars, il y a des épidémies, t'es su, t'es loin d'amener ce que tu dois être. C'est là que tu es protégé par les autres. Mais tu ne peux pas être protégé par les autres si tu n'es pas connecté à eux. Donc on est obligé de tout réapprendre ce qu'on a appris. Tout ce qu'on a appris, c'est pas c'est le travail, c'est pas de même. Mais c'est parce que ça nous a été enseigné par les autres. Si l'ego ne voit pas, puis il enseigne un autre ego. C'est deux à l'heure qui s'enseignent. Lui, Croteau, il est en maudit à ce moment-ci parce que j'ai dit quelque chose. Si Croteau est en maudit contre moi, il y a bien du monde qui regarde est en maudit contre moi. Heureusement qu'il l'a vu. L'ego. Il a le nez, là, ici. Il y a un petit chemin à faire. La dernière conférence, c'est bien, c'est bon. Faut-il faire des dingues, ouais, encore une autre question. Qui, je disais dimanche-là, qu'en avant de toi, on ne pouvait pas penser. On pouvait penser juste à l'arrière de toi. Tu pourrais-tu expliquer? C'est-tu parce que, mettons, quand on est en avant de toi, on ne peut pas penser à. Parce que tu crois que tu délivrais nos pensées ou ben non, c'est quoi juste? Quand on est devant toi, on n'est pas porté à poser des questions. Tu disais que quand tu es en avant de moi, tu ne peux pas penser. Ou la pensée n'est pas là, tu peux penser juste en arrière de moi. C'est ça que ça, c'est un goût de ne pas compris. Il y a bien des choses qu'on s'en est compris, mais quand tu arrives à la vie, tu fais bien. Devant moi, dans le temps, devant vous autres, des années qui sont devant vous autres, je ne peux pas penser. Derrière moi, des années après, avant vous autres, avant votre conscientisation. Est-ce que ces contraintes-là sont assez claires? Non, mais c'est parce qu'on en a beaucoup à la fois. On ne peut pas tout le comprendre d'être entendu. En tout cas, moi, tout le monde peut pas. Mais c'est quelque chose des, qu'on comprend au fur et à mesure qui nous arrive des poussières d'air. Tout est éteint. Le grand principe, maintenant, c'est qu'on fait comme. Le grand principe, c'est de penser pour faire. Quelles seraient les manifestations, qu'on soit un peu plus conscient, les manifestations d'une perte de l'exemple de perte de où il y a émotion, il y a une perte de niche. Okay. Automatiquement. Quand ça passe. Pardon? Quand ça passe. Ouais. C'est pas un peu bien, mais ça va. Aussitôt qu'il y a de l'émotion, vous perdez de l'énergie, c'est automatique. Dès qu'on est conscient, tu fais confort, donc une perte d'énergie. Arrête. Vous arrêtez. Ça arrête. Numéro quoi? L'énergie émotionnelle que vous avez, vous devez toujours vous en servir à partir du supramental, jamais à partir du mental inférieur. Supramental, c'est tout énergétique.